Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On parle des confins du système solaire en compagnie de notre invité Emmanuel Lelouch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Vous vous intéressez à ces confins lointains depuis longtemps et vous publiez d'ailleurs un ouvrage de référence qui s'appelle « Aux confins du système solaire » chez Belin, sous-titré « Pourquoi Pluton n'est plus une planète ?» Alors j'allais dire que finalement, avant le 24 août 2006, date où l'Union Astronomique Internationale a déclassé Pluton comme 9e planète du système solaire, tout allait très bien. Le système solaire avait 9 planètes et puis au-delà, c'était un peu l'inconnu, non ? Disons qu'en 2006, c'était déjà plus précis que ça. C'est-à-dire qu'on avait 9 planètes, mais on avait une multitude d'autres objets qu'on avait découverts depuis l'année 1992. Puisque en 2006, on avait découvert pratiquement 1200 objets que l'on appelle donc transneptuniens, au-delà de l'orbite de Neptune et de Pluton. À quoi ressemblent ces objets ? On sait encore très peu de choses sur ces objets, puisque pour l'essentiel, ils sont trop peu lumineux pour qu'on puisse en distinguer des détails. Donc pour l'essentiel, ce sont des points lumineux. Pour certains d'entre eux, les plus brillants, on commence à avoir une idée de, en particulier, leur composition chimique, la composition de leur surface. Et pour les plus brillants, qui sont donc les plus gros d'entre eux, eh bien on s'aperçoit qu'ils présentent beaucoup de similitudes avec Pluton, par le fait qu'ils sont en particulier recouverts de glace d'eau, de glace de méthane, de glace d'azote pour certains. Une chimie de surface qui ressemble beaucoup à celle de Pluton. Comment sait-on cela si on n'a pas beaucoup d'informations, comme vous dites, si ce sont que des points dans le ciel qui bougent, évidemment ? Eh bien, la composition de la surface d'un objet distant, on y a accès par la spectroscopie, en particulier dans l'infrarouge. Donc en faisant le spectre, on reconnaît des signatures spectrales de certains composés, des minéraux ou des glaces. Et c'est comme ça qu'on sait, on peut savoir, même si on ne résout pas l'objet, au sens où si l'objet dans le champ du télescope reste un point, on a une idée de la composition de sa surface. Ce qui est drôle en astronomie, c'est qu'on avait imaginé qu'il existait des objets de ce type-là dans une bande au-delà de Pluton, bien avant de les voir. Donc c'était assez logique de les trouver. Oui, c'était logique. Et d'ailleurs, lorsqu'on a découvert le premier d'entre eux, donc le 30 août 1992, en réalité, ce n'était pas une surprise. C'était une découverte qu'on avait recherchée. Si on remonte historiquement, en fait, le premier à avoir parlé d'objet transneptunien, il l'a fait à peine 6 mois après la découverte de Pluton. Et c'était un monsieur qui s'appelait Léonard. Pluton a été découvert donc au mois de février 1930. Et à peine quelques mois plus tard, ce fameux Léonard a fait la remarque en se disant « Maintenant qu'on a découvert Pluton, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait une quantité d'autres objets ?» Il a employé le terme de « ultra-neptunien » et « ultra-plutonien ». Il n'y a pas de raison que le système solaire s'arrête ainsi brutalement à l'orbite de Pluton. Et en fait, dans les décennies qui ont suivi, la perception et l'idée qu'on a eue d'une population transneptunienne s'est faite de plus en plus précise. On a eu un papier, des réflexions extrêmement importantes en 1943 par un astronome amateur irlandais qui s'appelait Edgeworth, qui a réfléchi à la structure du système solaire. En fait, il a réfléchi aux idées déjà anciennes de Kant et Laplace sur la manière dont se formait le système solaire. Alors, selon ces théories, en fait, le système solaire se forme à partir d'un disque de poussière et de gaz. Et ces poussières s'agglomèrent pour former des planétésimaux qui vont devenir, par accrétion successive, des corps de plus en plus gros. Et Edgeworth s'est dit, il n'y a pas de raison que le système solaire s'arrête brutalement. Il a été formé à partir d'une nébuleuse qui s'étendait sans doute sur de très grandes distances. Simplement, plus on est loin de l'étoile centrale, plus on est à la périphérie de ce disque, bah évidemment, moins il y a de matière. Donc Edgeworth a imaginé qu'à grande distance du Soleil, il ne pouvait pas s'être formé de planète proprement dite, mais il pouvait s'être formé des petits corps qu'il avait appelés des tas de gravier. Tas de gravier astronomique. Donc il avait déjà l'idée en 1943 qu'il y avait des corps présents au-delà de Pluton. Il faudra attendre 50 ans pour les trouver. Oui, et il faudra attendre 50 ans. Et avant cela, il y a eu d'autres réflexions qui ont précisé encore l'idée. Et en particulier, ce sont les réflexions sur la question de l'origine des comètes. D'où proviennent les comètes que nous voyons ? Les comètes, c'est très spectaculaire, mais d'où est-ce qu'elles viennent ? Dans les années 50, à partir de calculs sur les orbites des comètes passant près du Soleil, on a été capable de dire que pour la plupart, elle venait d'une région extrêmement éloignée du Soleil, qu'on appelle le nuage de Oort. Le nuage de Oort, c'est une sorte de coquille sphérique située à 50 000 unités astronomiques, donc vraiment très très loin. Donc un réservoir qui pourrait contenir des milliards, 1000 milliards de comètes peut-être. Et donc ces comètes, quand ce nuage de Oort est perturbé gravitationnellement, eh bien sont éjectées vers le système solaire interne et on les observe près du Soleil comme des comètes. Alors ça, c'est une théorie qui a été émise déjà donc, dans les années 1950. Mais en 1980, on s'est aperçu que cette théorie avait un problème. C'est qu'en réalité, il existe différents types de comètes. En fait, il existe deux grandes familles de comètes. Il existe les comètes à longue période, essentiellement, ou les comètes apériodiques, les comètes qu'on voit une fois passer près du Soleil, puis ensuite elles repartent pour toujours. Et effectivement, ces comètes-là sont bien expliquées par cette hypothèse du nuage de Oort. Mais il existe d'autres types de comètes, des comètes qu'on appelle à courte période, qui ne vont s'aventurer pas très loin, qui tournent en fait typiquement à des distances des planètes géantes. Elles ont des périodes courtes. Et en fait, à l'époque, dans les années 50, on pensait que ces comètes à courte période venaient également du nuage de Oort. Mais en 1980, il s'est produit un événement très important, c'est qu'un astronome uruguayen qui s'appelait Fernandez a fait les calculs et a montré qu'il était impossible en fait que ces comètes à courte période, qui ont aussi une particularité, c'est qu'elles sont proches du plan de l'écliptique, contrairement aux autres comètes qui ont des directions aléatoires. Eh bien, il a montré que par des calculs de mécanique céleste, que ces comètes ne pouvaient pas provenir du nuage de Oort. Et donc, il a prouvé qu'il existait un deuxième réservoir de comètes. Et donc, son idée, c'est qu'il existait un réservoir d'objets au-delà de l'orbite de Pluton qui allait fournir la source des comètes. Donc, ça, c'était en 1980. Et à partir de là, les gens ont commencé à chercher en réalité. Et les recherches systématiques, en fait, d'objets transneptuniens ont dû attendre plutôt la fin des années 80 parce qu'on avait besoin d'une technologie suffisamment performante. Et c'est ainsi que Dave Jewitt et Jane Lou ont mis à peu près 5 ans, en fait, ils ont commencé leurs recherches systématiques d'objets transneptuniens à la fin des années 80. Et donc finalement, le 30 août 92, ont découvert le premier objet, donc objet qu'ils cherchaient réellement. Donc ce n'est pas une découverte au hasard. On doit séparer, au sens des termes, objets transneptuniens de comètes. Oui. Les comètes, les objets transneptuniens ne s'approchent jamais du Soleil, si vous voulez. Les comètes, ce sont des objets sur des orbites extrêmement elliptiques. Donc une comète donnée va être au-delà de Neptune pendant l'essentiel de sa vie, mais elle fait aussi des excursions dans le système solaire interne. Et puis c'est pas la même physique non plus. Les comètes, ce sont des corps composés de glace, mais qui, s'approchant près du Soleil, se mettent à dégazer de manière très spectaculaire. Donc c'est pas la même physique que les objets transneptuniens. Néanmoins, il existe des objets de nature incertaine et intermédiaire. Il existe au voisinage des planètes géantes des objets qu'on appelle centaures, qui semblent être en fait des objets intermédiaires entre les objets transneptuniens et les comètes. C'est-à-dire que ce sont des objets qui, déjà du point de vue de leur orbite, ont une nature intermédiaire. Ils ont ce sont des orbites qui sont un peu allongées, mais pas aussi allongées que les orbites de comètes, plus allongées que les orbites de planètes. Par exemple, certains de ces centaures se baladent entre l'orbite de Saturne et celle d'Uranus. Et d'autre part, on a pensé qu'il s'agissait d'astéroïdes, de petits astéroïdes. Néanmoins, pour certains d'entre eux, certains d'entre eux présentent de l'activité. C'est-à-dire que sur les images, on voit qu'ils montrent une coma, comme une comète, comme la chevelure d'une comète. Donc, dégazent. Donc, ils dégazent. Donc, ces objets, ils font typiquement 100, 200 kilomètres. Et certains d'entre eux ont une activité cométaire. Alors, est-ce que ce sont deux grosses comètes ? Est-ce que ce sont des astéroïdes actifs ? C'est difficile à dire. En fait, du point de vue de la physique de ces objets, il y a un peu un continu d'objets entre les comètes qui sont petites et très actives et les objets transneptuniens qui peuvent être plus gros et qui ne sont pas actifs. Alors, est-ce qu'il y a aussi, pour garder cette idée de continu, est-ce qu'il y a aussi un continu de... Alors, je vais utiliser peut-être le mot de sphère ou en tout cas l'image de l'oignon avec des plures, parce que vous me dites nuage de Oort qui va très loin, peut-être jusqu'à 100 000 unités astronomiques, hein, 100 000 fois la distance de la Terre au Soleil, donc c'est très très loin. Et puis un deuxième réservoir qui est plus proche, qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Est-ce que ce sont des zones bien délimitées ou est-ce que ça se confond aussi En fait, on ne le sait pas. Réellement. Le nuage de Oort, on n'a pas encore découvert d'objets à 50 000 unités astronomiques du Soleil. On sait que les comètes viennent de là, mais on n'a pas encore la détection directe d'un objet dans le nuage de Oort. On est capable d'observer les objets transneptuniens actuellement jusqu'à environ 100 unités astronomiques. le plus lointain d'entre eux actuellement, qui est également le plus gros, c'est Eris. Il est à 97 unités astronomiques. Bon, maintenant, on est capable, à partir des observations de ces objets, de leurs orbites, de calculer leurs orbites. Et certains, on peut montrer qu'ils vont jusqu'à 1000, 10 000 unités astronomiques. Mais encore une fois, ce n'est pas une détection directe. Ce qui se passe entre 10 000 et 50 000 unités astronomiques, réellement, on ne le sait pas vraiment. Parce que j'étais surpris par le chiffre que vous donniez sur le nombre de comètes, en disant des milliards de comètes dans le nuage de Oort. C'est donc une estimation, une statistique. Oui, c'est le réservoir de comètes qui est nécessaire pour expliquer les comètes que l'on observe actuellement, la fréquence à laquelle on découvre de nouvelles comètes et leurs orbites. C'est une estimation de la taille de réservoir nécessaire pour rendre compte des observations des comètes qui sont, elles, beaucoup plus proches. Alors, est-ce qu'on peut, Emmanuel Lelouch, dater la fin de l'ère plutonienne, en tout cas Pluton, 9e planète du système solaire? Finalement, ces derniers jours dépendent non pas de Pluton en tant que tel, mais de la découverte des objets transneptuniens. Le fait qu'on découvre au-delà de Pluton des objets qui vont aller finalement en grossissant, non pas individuellement, mais on va découvrir des objets de plus en plus gros, et ça va poser des questions. Oui, complètement. Et c'est essentiellement la raison pour laquelle Pluton n'est plus une planète. C'est que Pluton n'est pas seul dans sa catégorie. C'est que les objets transneptuniens sont très nombreux. On en connaît déjà plus de 1000. Ils ont une physique qui, pour certains d'entre eux, ressemble beaucoup à celle de Pluton. Et ils ont des propriétés orbitales qui sont très semblables à Pluton. Il y a différentes familles de populations. Les objets transneptuniens sont classés selon le type d'orbite qu'ils ont autour du Soleil. Et en fait, Pluton tombe parfaitement dans l'une de ces familles de populations, qu'on appelle les objets résonants. Résonants parce qu'ils sont en résonance avec Neptune. Lorsque Pluton fait 2 tours autour du Soleil, Neptune en fait 3. Exactement, ils sont en phase, ils sont résonants. Eh bien, il existe, parmi la population des objets transneptuniens, un grand nombre d'autres objets résonants. Bien, donc on a Pluton qui, de par ses propriétés aussi bien orbitales que physique, est très semblable aux objets transneptuniens. On se retrouve donc en fait dans la situation dans laquelle on était au milieu du 19e siècle, avec les astéroïdes. Au début du 19e siècle, en 1801 exactement, on a découvert le premier astéroïde, Cérès. Dans la décennie 1800, donc entre 1800 et 1807 exactement, on en a découvert 3 autres. On avait donc 4 astéroïdes. Au moment de leur découverte, ces astéroïdes ont été appelés planètes. Ce qui veut dire qu'à l'époque, le système solaire possédait 11 planètes, puisqu'on avait les 7 planètes de Mercure à Uranus. Uranus avait été découverte à la fin du XVIIIe siècle. Donc 7 planètes de Mercure à Uranus, et puis 4 nouveaux objets que nous connaissons maintenant sous le nom d'astéroïdes, mais qui à l'époque étaient donc appelés planètes. En 1845, un cinquième de ces astéroïdes a été découvert, et à partir de là, ça a été l'avalanche. C'est-à-dire que dans la décennie 1850, on en a découvert des dizaines d'autres. Et donc très rapidement, dans la décennie 1850-1860, l'idée a fait son chemin que ces objets étaient trop nombreux et trop semblables les uns aux autres pour mériter le nom de planète, finalement. Et en fait, donc assez rapidement, finalement, puisque au bout de, on va dire, la découverte de quelques dizaines d'objets, la communauté astronomique de l'époque a émis le consensus qu'on allait créer une nouvelle famille pour ces objets, qu'on allait donc appeler astéroïdes. C'est la même chose qui s'est passée pour Pluton, en réalité. Sauf que pour Pluton, en fait, il a fallu attendre 1000 objets, en fait. 1000 objets semblables à Pluton ont été nécessaires pour considérer que Pluton faisait partie de la famille et n'était donc pas une planète. Et c'était la seule planète découverte par un Américain, qui plus est. Oui, mais je ne pense pas que ceci ait réellement joué. C'est que c'est une remarque qu'on entend fréquemment en Europe. Un exemple pour illustrer mon propos ici. Le planétarium de New York, dès l'année 2000, donc il avait fermé pour travaux à la fin des années 1990, pendant quelques années. Et il a réouvert en 2000, après les travaux. Et ce planétarium avait une galerie des planètes. Eh bien, à sa réouverture en 2000, il a banni Pluton de sa galerie des planètes. Autrement dit, ce planétarium américain a anticipé de 6 ans sur la décision scientifique prise par l'Union astronomique internationale. Donc, il ne me paraît pas correct de dire qu'il y a eu une réticence américaine à on va dire déclasser Pluton, ou plus exactement reclassifier Pluton parmi la famille des objets transneptuniens. Mais c'est vrai, Emmanuel Lelouch, que la découverte de Pluton, c'est une histoire, c'est de la passion, ce sont des hommes qui y ont cru, se sont battus, se sont presque excommuniés. C'est l'histoire de la découverte d'une planète controversée. Clyde de Tombeau, en 1930, découvre un objet que cherchait Lowell, qui était décédé. Lowell a cherché lui-même l'objet qu'il avait prédit, mais Lowell est mort avant de le trouver. Lowell est mort en 1916. Quelle est l'histoire ? Bien, l'histoire, alors, c'est un peu la répétition, au départ, de la découverte de Neptune. Neptune, comme vous le savez, a été découvert en 1846 sur la base d'une prédiction. À partir des observations du mouvement d'Uranus, il avait été établi qu'il devait exister un autre corps massif perturbateur qui n'avait pas encore été découvert. Et en particulier, grâce au calcul de Adams et Le Verrier, eh bien, on a pu prédire la position, l'orbite et la position instantanée de l'objet qui perturbait Uranus. Et effectivement, c'est ainsi que Neptune a été découvert. Bon, à la fin du 19e siècle, malgré la découverte de Neptune, il semblait que Uranus présentait toujours des petites irrégularités dans son mouvement. Et donc, plusieurs astronomes, et en particulier Percival Lowell, avaient prédit qu'il existait en fait une deuxième planète perturbatrice, que Neptune n'était pas à lui seul capable d'expliquer toutes les perturbations observées sur le mouvement d'Uranus, qu'il existait donc une deuxième planète perturbant Uranus. C'est celle qu'on a appelée la planète X ? C'est ça, c'est la planète X de Lowell. Et Lowell, qui avait donc fondé un observatoire dans l'Arizona, à Flagstaff, observatoire qui porte son nom maintenant, s'était donc mis lui-même en quête de cette planète X. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, il est mort avant de l'avoir découverte. Son successeur, qui s'appelait Slipher, a décidé de reprendre les recherches, et il a donc engagé un astronome, un fermier en fait, astronome amateur, qui s'appelait Clyde Tombaugh. Et Clyde Tombaugh était un excellent observateur, extrêmement scrupuleux, et après une année d'efforts environ, il a découvert un objet qui bougeait sur le fond des étoiles, un objet donc appartenant au système solaire. Et de manière très remarquable, il a découvert cet objet tout près de la position prédite par les calculs de Lowell. Et en réalité, même l'accord entre la position de Pluton, donc, puisque c'est bien lui dont il s'agit, au moment de sa découverte et les prédictions, était même meilleur que ne l'avait été au XIXe siècle l'accord entre la position découverte pour Neptune et la prédiction de Neptune. Un hasard ? Eh bien oui, en réalité, un hasard. Car on s'est rendu compte très vite que Pluton, en fait, était beaucoup trop petit et trop peu massif pour pouvoir avoir une quelconque influence gravitationnelle sur le mouvement d'Uranus. Autrement dit, Lowell, Slipher, puis Tombaugh ont donc cherché un objet massif qui perturbait Uranus et ont découvert plus ou moins à l'endroit exact où ils cherchaient un objet du système solaire, mais tout petit, très peu massif. Donc ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont trouvé autre chose.